que Stéphane a réalisé. Donc Stéphane, le président de l'association. Et donc c'est un super spot qui se trouve à Fréjus, sur les bords de l'Argent. Et je pense qu'il y a quelques événements dans les tuyaux pour l'été, en mode after. Donc il y aura plus d'informations bientôt. Ouais, de toute façon, on relayera. Moi aussi, voilà. je suis avec vous dans la soupe. Via la page, quoi. Ouais, et puis je passerai aussi ici les infos, on partagera aussi. Quoi vous dire aussi au niveau des... peut-être vous avez vu, il y avait le bateau Botcom Radio Méditerranée qui était en direct de la rade de Fréjus jusqu'à Saint-Égulfe. J'ai pu mixer pour la fête de la musique de 20h30 à 23h. C'était vraiment un succès, c'était magnifique, avec un super show qui avait été réalisé par Seb, un show VJ. Ça, c'était un point d'orgue. On espère pouvoir réitérer et puis être devant des rades, des restaurants, des plages en bordure de plage, donc, et pouvoir créer des événements. On attend un petit peu que la préfecture bouge. Après, les différentes préfectures, le 83, c'est pas ceux qui bougent le plus. Il y aura peut-être le 06 et le 13 qui bougent avant, on verra bien. En tout cas, on recevra aussi volontiers Mirabel Assaut sur le bateau. Ça, c'est un média qui va être intéressant cet été, à mon avis. On a d'autres choses aussi. On a un terrain sur les arcs. Sûrement, on fera deux événements et en juillet, en août. Ça aussi, on vous en parlera dès qu'on a les autorisations. Sinon, pour le reste, on a tout ce qu'il faut. Le 2 juillet, n'oubliez pas la soirée Playa. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Brigitte Bardot, qui ne pourra pas venir manger son biscuit. C'est dommage. Didier Bardot. Non, je ne sais plus, en fait. Je ne sais pas comment il s'appelle. Putain, je les confonds toujours. Et donc, il y a quoi aussi? Le 12 juillet, dimanche, une sardinade après une journée éco-citoyenne où on va débarrasser les fonds marins et les plages. Au port Fréjus, c'est déplacé au port Fréjus à 12h. Une petite sardinade gratos. Avec moi qui chante en live, avec moi-même qui va mixer un petit peu. Et donc ça va être sympa en extérieur, en attendant de faire mieux et d'avoir des teufs considérables. Et puis toujours on attend donc la préfecture pour le 5-6 septembre pour le Sud Tronique, où là à Roquebrune on devrait donc se faire deux jours de house et techno très pointu dans un cadre magnifique avec un son vraiment qui pète. Vous avez pu voir pour ceux qui étaient au bord des rives qu'on a quand même du matos, le son il crache quoi, et il crache en qualité. Donc écoute, je sais pas si t'es chaud, ouais. On va démarrer ce petit mix. Donc c'est David Air qui va vous mixer de la deep et de la disco un petit peu mélangée. Toujours bien chiadé, voilà, c'est quelqu'un qui est fin, je suis content de le recevoir. Et voilà, j'espère que cet été on va pouvoir se revoir plusieurs fois. On essaye aussi de monter pour le 11 juillet une petite teuf ici en direct de l'autre studio qui sera retransmis aussi sur internet, Facebook et autres, Twitch et tous les nouveaux médias. Écoutez, on va démarrer là, bam, jingle quoi. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Radio Méditerranée. I'm waiting for your sign. Radio Méditerranée. Let the flow on, baby. to each other. Yes, we'll unite. And we'll let love's vibrations lead us aright. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Holding and touching, honey, let's get it on. And make a pretty baby that isn't wrong. Let's do the things together only lovers do. Let the flow on, baby. Things together only lovers do. Let love flow on, baby. Getting into each other, yes, we'll unite. And we'll let love's vibrations lead us around. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Radio Méditerranée. Thank you. Things ain't getting over. Radio Méditerranée. Méditerranée. Méditerranée. Méditerranée. Thank you. Radio Méditerranée. Méditerranée. You got is what you do with what you have. You understand? Touching each other. Two spirits. una sera. Eccoci finalmente soli. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bon bah voilà quoi, tranquille sur le style, hein. C'était David Air en direct du son de l'Underground, très content d'avoir reçu mon pote, il nous a fait encore un set super, super fin, super été quoi, coloré, avec de la disco mais pas de la fiotte, enfin super, merci David c'est en tout ça, cas. Bah merci à toi Fred de m'avoir reçu. Bah ouais mais attends. Ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, mais si tu viens quand tu veux, bon je sais que l'été c'est un peu plus compliqué, mais ouais. Tu viens quand tu veux, voilà, c'est cool. Nous, ouais. Pour faire tourner du bon son et puis bien mixer comme ça, voilà, c'est ce qu'on c'est veut ça. Ici, quoi. Et je voulais juste, avant de terminer, ouais. Dire un truc, faire un petit big up en fait à tous les patrons, gérants de boîtes de nuit. Par rapport à l'actualité. Ah oui. Voilà, en disant à tout le monde de serrer les coudes quand même. Ouais, je crois voilà. Que le 28, on risque d'avoir un peu d'annonce. On espère que ça va être plutôt positif. Voilà. Et si c'est le cas, voilà, faut déclencher. Après, il y a des gens comme nous ici, comme toi, tout ça, qui sont ça. Prêts. Voilà, il n'y a pas de souci, même si c'est des trucs qui vont se faire en dernière minute. Voilà. Voilà, il y a du matos, il y a du savoir-faire, donc voilà, pas de souci, quoi. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, on va enchaîner avec. Moi, je vais vous faire un truc deep house, donc un peu moins disco, mais quand même plutôt festif, style Ibiza, un petit peu ce que j'avais joué quand même sur le bateau, on va dire. Voilà, un peu dans le même style. On va rester, on va pas trop taper fort. Et puis cool. Merci mon Dave. Merci à toi Fred. À plus. À bientôt. Ciao. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Radio Méditerranée. Méditerranée. Thank you.

Thank you.

In your arms.

Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition du Son de l'Underground, toujours sur Radio Méditerranée Var. Là, t'es pas sur RTL 2, t'as vu. Voilà, on avait du lourd, on avait David R hein, pour un mix plutôt disco deep, super fleuri, super summertime, ça nous a fait du bien. Et puis derrière, moi j'ai envoyé un truc un petit peu plus lourd pour finir. Voilà, quoi vous dire, ben, cette semaine on aura sûrement des réponses qui vont débloquer, j'espère, pas mal d'événements et on n'en manquera pas de vous donner les dates. En attendant, dans les événements sur, eh ben, ça sera le 2 juillet la soirée Playa, sans Brigitte Bardot, on pourra pas venir, putain c'est dommage, il y avait du biscuit, et puis le 12 toujours la sardinade, et entre temps ben, on vous dira s'il y a des avancées pour le Botcom aussi, qui a été quand même un bon moment, un grand moment. J'espère qu'on va pouvoir refaire ici ça sur la rade. J'espère qu'il y aura un peu des autorités qui nous laisseront un petit peu danser avant la deuxième vague. Alors toujours réhabilitation des pangolins et extermination pardon, des putois et des fils de putois aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais vous remettre avec la playlist. Voilà, vous étiez sur le son de l'Underground. Ça sonne un peu différemment, mais putain, ça fait du bien. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. À plus tard. Without your music, where would you be without song? How would you feel without your music? What would you do without song? People often ask me, can I climb a mountaintop? I say, yes, I can. 'Cause I got music to make my spirit rock. I say, yes, I can. Surely blow. There is a song for all of us to sing. Open up your mouth, let me hear it ring. What would you do without your music? Where would you be without song? I don't know, I don't know. What would you do without your music? What would you do without song? There be no rhythm, sounds so young and old. Gospel in your soul, the world would be confused. We'd all let it clear. Music, inspiration, take me far away from here, y'all. What would you do without your music? Where would you be without song? I don't know, I don't know. What would you do without your music? What would you do if I saw? Sing it for me. We'll be right back. inside of me. Music. What?